Elle est ma cam, elle m'a ramené de poumons. Cœur, elle est ma cam, elle est ma ramée, mais de poumons. Un début d'histoire peu magique encore, je le liais par des filles. Imagine à des machines, son corps lié par des filles. 1,6 kg, ça tient dans la paume, mais la beauté va pousser vite. De mes pompes, je ne serai plus à côté, la pousser vite. À faire sanglant, tu t'es mal à terre et sa merde. Pas faire semblant, je les aimerais comme un malade, elle et sa mère. Des conneries aux êtres là, j'ai cessé dans ces bagnes de pierre, c'est dans l'ordre. La faire rire aux éclats, c'est gagner de tiers, c'est dans l'ordre. Ne parle pas de chance, vas-y toi, parle pas chante. Trop attachante, quand elle me dit assis-toi, papa chante. Casser le rêve, à vie au cachot. Lui faire du mal, serait me faire passer le reste de ma vie au cachot. La haine, la mort des âmes, oublie les deux sont trop. Elle est ma reine, je dépose les armes au pied de son trône. Dans le torse, boum boum, la douleur du sang. À force, j'avoue l'amour à la couleur du sang. Besoin d'aucune aide de mes yeux, toi tu sais pas. Je prends soin de la prunelle de mes yeux, toi tu sais pas. Dans le torse, boum boum, la douleur du sang. À force, j'avoue l'amour à la couleur du sang. Besoin d'aucune aide de mes yeux, toi tu sais pas. Je prends soin de la prunelle de mes yeux, toi tu sais pas. Je n'ai Dieu que pour elle, y'a que pour elle que je ferai du mieux que je pourrais. Je fais tomber masque et lunettes, là je te parle de ma prunelle. Tu crois que devenir père apaise, t'es bourré, tu rêves. Tu crois que je suis pépère à peine et pour elle je tuerai. C'est sûr faudra de la thune et tout, mais bon le tout c'est que tu l'aimes. Là pour en faire des adultes, faudra pas que découcher du lait. Mais que faire de ces soldats là, même si de la zone malade, ex-vaurien nos marmots, on fait de nous des hommes valables. Y'a quelqu'un qui pouvait me dresser, le cœur en chien, j'avoue. Et je reste un vieux loup blessé avec les yeux pleins d'amour. Pour elle, s'il faut, je donnerai ma vie, gros. Puis je prendrai la tienne, s'il faut, je poignarderai ta chair pour sauver la mienne. Je suis fou de mon bijou, mon cœur tout cabossé. C'est qu'y a pas un bis qui vaut un bisou sur sa faussette. Du bonheur instantané, et je le prends tant qu'il est hal. Mon poussin, il est pas né, l'enfoiré de gendre idéal. Dans le torse, boum boum, à la douleur, tu sens, hein? À force, j'avoue l'amour à la couleur du sang. Besoin d'aucune aide, messieurs, toi tu sais pas. Je prends soin de la prunelle de mes yeux, toi tu sais pas. Dans le torse, boum boum, la douleur, tu sens, hein? À force, j'avoue l'amour à la couleur du sang. Besoin d'aucune aide, messieurs, toi tu sais pas.